Oui, c'est vrai que principalement ils sont en majeur, c'est vrai. Généralement. J'en ai un aussi, mais il est en son majeur, il me semble. Ah, ok. Ok. C'est assez compliqué comme truc quand on n'a pas C'est l'habitude flipper avec quand ça. même. Après, j'ai chopé une machine là, pour balancer un peu des, tu vois, des riffs, tu vois, enfin des sons, tu vois, c'est pratique pour faire tout ce qui est percu. Tu vois, je peux te balancer des, voilà, ça. Alors. Ah ouais, au début un petit peu, mais après tu verras. En plus, bon, tu peux rajouter plein de trucs normalement. Si tu sais un peu, tu gères un petit peu en informatique. T'as jamais écouté. Sinon, tu veux que je te mette un beat un peu quelque chose ou Attends, je crois qu'on a un gros décalage en fait dans la discussion. Ouais. Oui, peut-être, sûrement. C'est pas en Moi instantané pourtant je non la vois plus, en hein. stéréo. Ah, tu devrais avoir les deux barres qui montent en fait. Tu vois, t'as, normalement, t'as deux petites barres en fait. Je sais pas comment tu rentres ton micro en fait dans ta carte audio. Ça doit dépendre peut-être de ça. Je sais pas si c'est le micro ou si c'est la carte son. Je crois qu'il y a un décalage dans la discussion. Ah, ça y est, on n'est plus décalé. Parce qu'en fait, Ouais, j'entendais sur les ce bandes. que je disais, mais peut-être Ah non, 10-15 ils ont passé en secondes stéréo. en retard, puis j'entendais ta réponse encore plus tard. Du coup, c'était incompréhensible. Donc là, c'est mieux. Ah, c'est ta sortie audio. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc du coup, t'as un pote qui va Ah, arriver d'accord. pour... Merde. J'imagine. Là, c'est mieux. Non, ça va pas mieux. C'est quoi cette...